the god of hellfire, and I bring you fire. Amis du rock, bonjour, fidèle au poste depuis juillet, je vous convie à nouveau aujourd'hui à passer en ma compagnie 3 heures d'une programmation rock and pop, histoire d'entamer la semaine le cœur léger et en pleine forme. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre. Place au 11e numéro de Living in the Past en compagnie de Jean-Marie. Mais trêve de bavardage, malgré le soleil, il ne fera pas très chaud aujourd'hui et nous avons débuté cette émission en allumant le feu avec Arthur Brown et Fire. Le 28 novembre 1974, John Lennon montait sur scène pour la dernière fois de sa carrière. À cette occasion, il a rejoint Elton John au Madison Square Garden de New York. Ensemble, ils ont notamment joué Whatever Gets You Through the Night, une chanson composée par Lennon à laquelle avait participé Elton John. Don't need a salt. Living in the past. Mad in rap. Et voici Nirvana, Smells Like Spirits. Bring you Le 28 novembre 1991, Nirvana a enregistré un show Top of the Pops, une émission de télé de la BBC, lors du playback de Smells Like Teen Spirit que nous venons d'écouter. Kurt Cobain s'est plaint que la bande allait trop lentement, ce qui lui donnait une voix plutôt bizarre. Et en 1993, Jerry Edmonton, le batteur de Steppenwolf, mourait malheureusement dans un grave accident de la circulation. On se souvient de lui notamment avec ce fameux tube « Born to be Wild ». And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Et voici l'ami David avec ses Heroes. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away. Et on continue en force avec AC/DC. Figurez-vous que le 28 novembre 2000, AC/DC commençait une série de 5 concerts à l'Arena de Birmingham. Et à l'époque, les tickets ne coûtaient que 22,5 livres, soit environ 26 euros. C'est loin d'être le cas maintenant quand on voit le prix des concerts. Back in Black, AC/DC en 1980. Et on poursuit toujours en rythme, mais dans un esprit et une sonorité grunge, pour célébrer l'anniversaire de Matt Cameron, le batteur de Soundgarden, qui avait ensuite d'ailleurs rejoint la formation Pearl Jam en 1998. Matt est né en 1962 à San Diego. Nous écoutons successivement deux extraits de succès de ces groupes, Soundgarden et Black Hole Sun, et enfin Pearl Jam, Given to Fly. Bonne matinée en notre compagnie, Jean-Marie, avec vous jusque midi. Sometimes far too long. Voilà, aujourd'hui nous aurons une séquence anniversaire un peu plus longue que d'habitude parce que nous célébrons en quelque sorte les 50 ans de ce qui aurait dû être l'anniversaire de ce qui aurait dû être les 50 ans de Jeff Buckley. Ce sera aussi pour nous au cours de l'émission pour célébrer le 25e anniversaire de la sortie de l'album Out of Time d'R.E.M. Idem pour l'album de U2 Achtung Baby. Et enfin aussi, c'est le 25e anniversaire de la disparition du leader du groupe Queen, Freddie Mercury, que nous avons célébré voici quelques jours. Nous parlerons aussi, un peu plus tard, de l'album de Noir Désir, 666 667 Club, dont nous fêtons aussi le 20e anniversaire de la sortie. Mais parlons tout d'abord de Jeff Buckley. Alors Jeff Buckley, il a eu une carrière très très courte. Hein. Donc il est né dans la ville d'Orange en Californie le 17 novembre 1966. Il est le fils de Mary Gilbert et du folk rocker Tim Buckley. Et Jeff a commencé à jouer alors qu'il était au lycée, véritable passionné. Il décidait rapidement de s'installer à Los Angeles pour y étudier la musique. Sur place, il a évolué alors dans différentes formations de jazz, de funk, mais aussi de reggae et de hip-hop. Et il accompagnera également le chanteur jamaïcain Shinehead. Après cette initiation musicale à Los Angeles, Jeff Buckley déménagera à New York et formera sur place un groupe Gods and Monsters, un groupe branché rock psychédélique. Après cette parenthèse psychédélique, Buckley se lancera en solo et commencera à arpenter les clubs et coffee houses new-yorkais pour se faire un nom et travailler sa personnalité. Là-bas, il développera un set nettement plus folk-rock. Même s'il semble suivre les pas de son père, Jeff Buckley prendra ses distances vis-à-vis de la musique de ce dernier. Et il expliquera d'ailleurs à ce propos, « Certes, il a influencé ma vie, mais pas ma musique. » Jeff Buckley s'est fait un nom à New York et finit par recevoir quelques propositions de label. Il dégotera ainsi un deal avec Columbia Records et se lancera dans la réalisation d'un premier EP solo qui préfigurera la sortie du chef-d'œuvre à venir, son seul et unique album de son vivant, Grace. L'un des moments forts de cet album est évidemment cette splendide reprise d'un titre que Leonard Cohen avait publié sur son album Various Positions en 1984. Son titre Alléluia. Cela faisait déjà quelques années que Buckley le proposait dans son set sur scène, mais ici, ce morceau va encore prendre une dimension supérieure grâce à ce très beau travail en studio et cette interprétation particulièrement intimiste. Malheureusement, le 29 mai 1997, Buckley se noyait dans les eaux de la Wolf River. Il était alors âgé de 30 ans. C'est un morceau qui est régulièrement joué aussi dans les cérémonies de funérailles, voire même parfois de mariage. Bonne écoute. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was high. Or maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Formidable, non? Seulement RQC sur votre radio. RQC. Alors, place maintenant à l'évocation anniversaire de la sortie de l'album Out of Time du groupe REM. Il y a 25 ans, en effet, que sortait cet album fameux. Ce septième opus du groupe, assurément un des meilleurs, en tout cas un des albums avec lequel cette formation a connu le plus de succès, avec ses tubes imparables, à commencer par Losing My Religion, le morceau culte, admirablement servi par une superbe partition de mandoline. Dix heures moins dix à l'écoute d'RQC. Brought me to my knees, failed. was just a dream. That was just a dream. Un deuxième tube de l'album, c'est Shiny Happy People. Cette chanson interprétée en duo avec Kate Pearson du groupe B-52s, qui est aussi originaire d'Athens, Géorgie, la ville où s'est formé précisément le groupe REM. Eh bien, ce morceau, c'est une petite merveille pop bien ensoleillée, une de ses chansons les plus bulles de savon d'Out of Time. Que le groupe n'a d'ailleurs jamais voulu interpréter en live. Michael Stipe ayant toujours refusé, la trouvant trop évidente, trop facile. Elle traumatisera aussi les charts et radio en 1991. La chanson qui représente trop le groupe aux dépens d'autres chansons moins connues, ou tout aussi connu. Une chanson trop pop, trop connue, trop évidente. Je veux bien, mais reconnaissons quand même que ce n'est malgré tout pas mal foutu du tout. À propos de Michael Stipe, j'ai appris récemment que l'ex-leader d'REM, qui s'était fait on ne peut plus discret depuis la dissolution du groupe en 2011, est récemment sorti de l'ombre en déclarant qu'il voulait retravailler dans le domaine de la musique. Le chanteur charismatique du groupe est apparu récemment pour un concert d'hommage à David Bowie et à cette occasion, il aurait mesuré à quel point la scène lui manquait. Voilà, c'était l'évocation de l'album Out of Time du groupe REM sorti voici 25 ans. Il y a 25 ans également sortait l'un des albums majeurs de la carrière de U2, Achtung Baby. Un retour sur un album plus expérimental sur lequel le groupe s'est mis en danger artistiquement. Alors cet album est sorti le 19 novembre 1991, il est le 7e album de U2. Il succède à l'excellent Joshua Tree de 1987. Et à cette occasion, U2 s'est donné un nouveau défi. À l'époque, en effet, les musiciens ont envie de changement, ils souhaitent faire profondément évoluer leur son. Ainsi, avant la sortie de l'album, de nombreuses rumeurs avaient commencé à circuler. Certains annonçaient que ce prochain album de U2 serait branché dance, techno, et marquerait une rupture totale avec les productions. D'autres rumeurs circulaient, notamment celle selon laquelle U2 ne fonctionnait plus et que la formation était au bord de la rupture. Heureusement, le public a été assez rapidement rassuré. U2 était toujours uni et le nouvel album sorti n'avait pas consacré à la musique techno. Ceci dit, cet album comportait quand même en fait quelques touches plus modernes et plus électroniques. Le groupe a en effet compris qu'en ce début des années 90, les choses étaient en train de changer. Et que s'il n'évoluait pas, et s'il n'entrait pas de façon marquante dans cette nouvelle décennie, il était condamné à disparaître. Et ça, c'était pas une option acceptable pour Bono et son band. Pardon. Et pour se réinventer, U2 va, à l'instar de ce que David Bowie avait fait 14 ans auparavant, et le groupe est parti s'installer quelque temps à Berlin. Et U2 commença à travailler à son nouvel album sur place dès le mois d'octobre 1990. Le mur était tombé moins d'un an auparavant et il régnait dans la ville alors une atmosphère très particulière. Certes, l'ambiance était positive. L'heure était à la reconstruction, à la réunification, mais l'ensemble, et cependant, était également quelque peu chaotique. Et tout cela va nourrir profondément les compositions, les sonorités et la tonalité générale de l'album. Malheureusement, tout ne sera pas aussi simple que ça sur place. Et le plus gros tube de cet opus, One, que nous allons écouter maintenant, le plus gros succès de l'album, évoque cette période difficile au sein de U2 et à quel point les musiciens ont dû combattre leurs propres démons pour rester ensemble. D'une certaine façon, One fait aussi écho à Berlin et à l'Allemagne réunifiée. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please, you baby, if you don't care for it. Have you come to raise the dead? Voilà, nous avons enchaîné avec Mysterious Way, un des multiples tubes que recèle cet excellent album. Une petite anecdote d'ailleurs à propos de ce titre. Figurez-vous que dans un épisode de la série TV Les Simpsons, intitulé In the Name of Grandfather, on aperçoit un panneau annonçant une entreprise de déménagement irlandaise baptisée U2, avec ce slogan « We move in mysterious way ». RQC 95 FM. Alors, place maintenant à l'évocation d'une personnalité du monde du rock qui a marqué les décennies 70, 80, 90. Il s'agit de Freddie Mercury, dont nous célébrons le 25e anniversaire de la disparition de ce leader de la formation Queen. Voilà, cette séquence, ce musicien légendaire du groupe Queen nous a quittés voici 25 ans déjà. Et pour honorer sa mémoire, je vous propose maintenant d'écouter trois titres très différents, illustrés par quelques anecdotes à son propos. Tout d'abord, il y aura son chef-d'œuvre Bohemian Rhapsody. Freddie ne se considérait pas comme un grand pianiste. Et à propos de Bohemian Rhapsody, il dira d'ailleurs qu'il craignait toujours de se tromper lorsqu'il jouait ce titre en concert. Ensuite, c'est bien connu, mais Freddie Mercury avait une personnalité, un talent hors norme. Il osait tout, que ce soit sur scène ou même dans ses compositions. C'est bien connu, il adorait les chats et notamment son chat favori qui répondait au doux prénom de Delilah, pour lequel il dédiera d'ailleurs un message d'amour qui figure sur l'album Innuendo de 1991. Enfin, nous écouterons Crazy Little Thing Called Love, un titre qu'il aurait écrit dans son bain, dans un hôtel de Munich, comme quoi on peut trouver l'inspiration n'importe où. Surtout quand on a du talent. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. A gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh,

me very happy. Oh yeah, I love your kisses. I love your kisses. I love your kisses. I love your kisses. I love your kisses. I love your kisses. RQC, la dernière radio libre de la région moucronoise. Pour nous contacter, RQC, 2A rue Roger Salengro, 7700 Moucron. L'album du jour. Notre séquence, l'album du jour, est consacrée aujourd'hui à un album de Sting, Nothing Like the Sun. En 1987, Sting a 36 ans et il enregistre ce deuxième album, soit 3 ans après la dissolution du groupe Police. C'est l'époque où le compact disque commence à s'imposer. Imaginez, il peut contenir jusqu'à 70 voire 80 minutes de musique d'un seul tenant. Et l'album de Sting est non seulement masterisé et gravé en mode numérique, mais en amont, il sera aussi enregistré en digital. Et pour Sting, c'est nouveau. Il devra s'y habituer. Enregistrer en numérique, c'est difficile, dira-t-il. C'est comme construire un mur de briques sans mortier. Tout en admettant une plus grande flexibilité pour les arrangements. Alors cet album, il l'enregistre entre mars et août 1987 au studio Air, que George Martin, le producteur des Beatles, s'était fait construire à Montserrat, une île des Antilles. Pour cet enregistrement, Sting s'entoure de personnalités. Il accueille notamment Manu Katché à la batterie, Mino Cinellu aux percussions, Branford Marsalis au saxo et Kenny Kirkland au clavier. Et sur les deux premières plages, on retrouve aussi Andy Summers, un ex-membre de Police, à la guitare. S'il dédie cet album à sa maman, morte d'un cancer durant l'enregistrement, Sting parle aussi en 12 titres de naissance, de mariage et d'amour. Qu'elles soient sœurs, amies ou mères, les femmes tiennent une grande place dans les textes. Sur le plan musical, Nothing Like the Sun propose une petite palette très riche en pop, rock, jazz, reggae et funk. Sting nous offre d'ailleurs quelques futurs grands classiques de son répertoire. Alors il y a d'abord Englishman in New York. Ce titre évoque Quentin Crisp, un écrivain et acteur anglais devenu une icône gay dans les années 1970. Fouillant l'Angleterre puritaine à l'époque, Quentin Crisp s'était exilé à New York et Sting s'était lié d'amitié avec lui. Le message est simple, soyez vous-même, peu importe ce que disent les autres. Quentin Crisp apparaît d'ailleurs dans le clip vidéo du titre. Smile, be yourself, no matter what. Et pour suivre, je vous propose d'écouter Taydon's Alone. Dans ce titre, il poursuit son engagement politique et il se range carrément aux côtés des victimes du général Pinochet et s'adresse d'ailleurs directement à lui. Et enfin, avec un autre titre baptisé Fragile, il nous rappelle que la violence ne mène à rien. Il s'est inspiré pour cela de l'histoire d'un certain Ben Linder, un ingénieur américain qui travaillait bénévolement au Nicaragua pour le compte du gouvernement sandiniste et qui sera assassiné par les Contras en 1987. We'll die. danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. Hey, Mr. Pinochet, you sold a little crop. It's foreign money that supports you. One day the money's gonna stop. No wages for your torture, no budget for your gun. You think of your own mother dancing with her invisible son. Dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands. From the star. like tears from a star. Living in the past. Du rock made in France. Pour cette séquence, le rock made in France passe place maintenant à l'évocation d'un album de Noir Désir qui a profondément marqué le son rock des années 90 en France et dont nous célébrons également le 20e anniversaire de la sortie. J'ai cité 666 667 clubs. Alors, retour sur un album qui était à la fois ambitieux, et qui fut très réussi. Et qui succède d'ailleurs à l'excellent Tostaki, qui datait de 1992, et qui faisait suite à une très importante tournée qui suivra. Après avoir enchaîné concert sur concert durant l'ensemble de l'année 1993, les musiciens sont épuisés. Et finalement, ce ne sera qu'en août 1996 que Bertrand Cantat, Serge Teyssoguet, Jean-Paul Roy et Denis Barthes se réuniront à nouveau dans un studio pour y enregistrer 666 667 clubs. Alors si le ton de l'album est parfois plus doux, parfois plus positif que sur l'album précédent, le groupe n'en est cependant pas moins engagé dans ses textes. Pour illustrer cela, j'ai sélectionné deux titres. Tout d'abord, Un jour en France et son riff rouleau compresseur ravageur qui porte avec puissance et vigueur le texte tranchant de Bertrand Cantat. Et ce dernier précisera lors d'une interview en 1996, il précisera donc ce n'est pas un constat exhaustif de ce qu'il y a de positif et de négatif en France. Un jour en France est très subjectif, c'est une impression. C'est peut-être profondément ancré dans les Français de vouloir des politiciens honnêtes quand eux-mêmes ne le sont pas. Affirmer que tous les politiques sont pourris, ça se comprend. Les gens sont de plus en plus déçus et indignés. Mais Le Pen le dit aussi, et là ça bloque. Tu te dis « Merde, j'ai dit la même chose que lui ». Moi, je suis sûr que c'est un sacerdoce. Il y a des hommes politiques honnêtes, pas forcément des révolutionnaires. mais ils sont généralement étouffés et ça plaît aussi aux gens de croire que tout est pourri. Il faudra pourtant réfléchir à la manière d'aborder la suite des événements. Il y a des questions qui sont aussi interdites. L'argent roi en est une. Pour moi, les termes « liberté »,« égalité », »,« fraternité » sont des mots qui ne veulent plus rien dire. « J'aime mon pays », il y a aussi de quoi baisser les bras. Ce n'est pas un constat, c'est encore au-delà de la colère. C'est profondément ressentir cette lâcheté extraordinaire de la majorité de la population et des gens qui ne sont pas loin de toi. C'est chacun pour sa peau, sauver les meubles. Mais nous ne sommes ni des prophètes, ni des professeurs. Ce morceau est sans prétention. C'est l'affirmation de certaines valeurs que nous trouvons galvaudées. Un message bien d'actualité au moment où se profilent les élections en France. Et maintenant, pour suivre notre séquence, le rock en balade. Un peu de calme et de sérénité. Living in the past. Ça ne peut que faire du bien. Le rock en balade. Et pour commencer, un peu de clavecin avec les Stranglers and Golden Brown. Golden brown, texture like sun, lays me down with my

après Europe, voici maintenant Accept, Can't Stand the Night, 1981, sur l'album Breaker. Même s'il ne fait pas très chaud, le soleil est dans nos cœurs et dehors. Après cette petite pause de douceur, nous allons poursuivre dans ce registre pour entamer une large page consacrée à l'agenda des concerts, aux sorties et rééditions récentes. C'est bientôt Noël, les cadeaux vont... c'est le moment de penser à offrir quelques petits cadeaux. À commencer par la belle Beth Hart, qui se produit ce soir à la baie de Bruxelles. Il est un peu tard pour y réserver ses places. Et par contre, si vous avez quelques envies d'escapade chez nos voisins aux Pays-Bas, sachez qu'elle se produira dans le courant du mois de décembre, le 13 à Bergen-op-Zoom et le 19 au Paradiso d'Amsterdam. Avis aux amateurs. On la retrouve ici avec son compère de toujours, Joe Bonamassa, sur un des titres de ce dernier qui figure sur l'album Dust Bowl. Il s'agit d'I'll Take of You. Superbe. I know. Carry yourself, but if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and lost the same as you, so you see I'm just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. Yeah. Après ce beau moment tout en douceur et en émotion, retour au rythme, en rythme avec Status Quo et Whatever You Want, un titre de 1979. Sachez que le groupe se produira en concert sold out à la baie de Bruxelles ce 3 décembre et c'est d'ailleurs par Bruxelles que la formation débute sa dernière tournée électrique. Alors, Status Quo, c'est la tradition jeans, basket blanche et attitude rock à 200%. Et leurs innombrables hits, tels que In the Army Now, Rocking All Over the World, Caroline et aussi ce Whatever You Want, sont devenus de grands classiques qui ont traversé les décennies. Et dans leur Angleterre natale, aucun groupe de rock ne peut se targuer de posséder autant de tubes que Status Quo. Et c'est parti! We'll be right back.

Nous avons poursuivi cette séquence concert avec le groupe Saxon pour vous annoncer notamment qu'ils seront en Belgique pour un concert unique ce 22 décembre au Music Centrum Trix à Anvers. À l'instant, nous avons écouté Princess of the Night, un de ces morceaux imparables de 1981 qui ne vous quitte plus une fois que vous l'avez entendu. Au moment de la sortie de l'album Denim and Leather, dont est extrait ce morceau, Saxon se plaçait parmi les plus grands groupes du genre aux côtés d'Iron Maiden, de Def Leppard, excusez du peu. Et pour suivre, revenons avec Sting et un de nos titres favoris du moment, I Can't Stop Thinking About You, extrait de son dernier album 57th and 9th. Rappelons que le chanteur sera aussi en concert à Forêt Nationale le dimanche 2 avril 2017. Il est peut-être encore temps de réserver quelques places. ...11h25 sur les antennes d'RQC. Remains until we find Eh bien, c'est avec énormément de plaisir que nous avons retrouvé le groupe Yes avec son tube en version live, Honor the Lonely Heart. Et à propos de groupe, signalons que John Anderson, Trevor Rabin et Rick Wakeman ont décidé de reformer le line-up mythique de Yes. Ils seront chez nous le 27 mars au Cirque Royal de Bruxelles. Alors depuis leur dernier concert au grand complet en 1990, à l'occasion de la tournée à succès Union 2, le groupe a connu plusieurs versions hybrides, mais aucune ne rassemblait la voix iconique de John Anderson, l'extraordinaire talent du guitariste de Trevor Rabin et le don pour les claviers de Rick Wakeman. L'objectif du groupe, c'est clairement de retrouver le niveau de performance de leurs concerts des années 90, quand les anciens et nouveaux membres de Yes se sont produits ensemble pour la première et la dernière fois de la légendaire carrière du groupe. Passons maintenant au rayon des sorties et des rééditions. Je veux d'abord épingler la réédition d'un album des Kings qui date de 1972 et qui était intitulé Everybody's in Showbiz. J'avais omis de mentionner cette sortie. Le disque est maintenant dans les bacs depuis le 3 juin dernier. Alors, ce disque avait la particularité de comporter d'une part 10 chansons nouvelles enregistrées en studio et d'autre part 11 morceaux extraits d'un concert donné par le groupe le 3 mars 1972 au Carnegie Hall de New York. J'en ai extrait le titre Celluloid Heroes, la pièce majeure de l'album. C'est une chanson qui fait référence à Hollywood, cette usine à rêve, à ses acteurs et à ses actrices. Et Ray Davis, le compositeur du morceau, les fait apparaître au-delà de leur personnage, dans leur personnalité et leur humanité avec leurs fêlures intimes. Je propose ensuite de revenir un moment sur le groupe Queen et pour rappeler une nouvelle fois la sortie récente d'une superbe compilation baptisée On Air qui rassemble les sessions radio pour la BBC réalisées entre 1973 et 1977. Cette compilation comprend notamment une version rapide du titre mythique qu'est We Will Rock You, qui était habituellement joué en public. Les fans de la formation s'en souviennent probablement, sur scène, le groupe avait pour habitude de jouer deux versions de cet énorme tube de 1977. D'abord, la version classique que l'on connaît et qui est assez fidèle à la version studio, et ensuite, une version rapide plus hard rock que je vous propose maintenant de redécouvrir. Et c'est parti! We'll be right back.

because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die. RQC 95 FM. Et après les Kinks, un autre moment de pur bonheur, retrouvons Mary Lyon avec deux titres enchaînés, Kaylake et Lavender, en version live. Bitch. Loving on the floor in Versailles Park. Do you remember dancing in stilettos in the snow? Do you remember you never understood I had to go? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. I just wanna say I'm sorry, but Katie, I'm too scared to pick up the phone to hear you find another lover to patch up our broken home. Katie, I'm still trying to write that love song. When I heard the sprinklers whisper shimmer in the haze of summer logs, then I heard the children sing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one who wanted to write for you. Et poursuivons avec le groupe Uriah Heep dans une version alternative de leur célèbre Lady in Black. so wisely, then I feared to walk alone again and asked if she would stay. Voilà, il est déjà midi et bientôt l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. En ce qui me concerne, c'était un pur bonheur. Et mais je ne voulais surtout pas vous quitter sans vous avoir aussi mentionné la sortie d'un superbe coffret de CD des Pink Floyd, baptisé The Early Years, de 1967 à 1972. Voilà, cette compilation retrace l'histoire des Pink Floyd depuis la rencontre de Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason, Syd Barrett à l'Université Polytechnique de Regent Street à Londres jusqu'au départ de Syd et l'arrivée de David Gilmour dans le groupe. Enfin, il y a une dernière idée cadeau à mettre sous le sapin. C'est une version acoustique façon unplugged des plus grands succès de Simple Minds. Le titre s'appelle tout simplement Acoustique. Voilà deux extraits pour illustrer mon propos. Tout d'abord, les Pink Floyd's Point Me at the Sky. Un titre qui, à l'époque, n'a figuré sur aucun des albums. Et ensuite, Simple Mind avec Don't You. Et c'est pour moi le moment de vous souhaiter de passer une excellente suite de journée et à vous donner rendez-vous le 12 du 12 à 9h, même lieu. Même fréquence. Bye bye.

as me. Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Yeah. Hip, hip, hip, hip. Ooh, ooh, ooh. Hip, hip, hip, hip. Ooh, ooh, ooh. Whoa. Don't you try and pretend it's my feeling will win in the end. I won't harm you, I won't touch your defenses. Vanity, insecurity, don't you forget about me. I'll be alone dancing, you know, baby. Go to take us apart and put us back together at heart. Don't you forget about me. So walk on by. Won't you call my